fut témoin de deux mariages bien différents. Augustine et Théodore s'y présentèrent dans tout l'éclat du bonheur, les yeux pleins d'amour, parés de toilettes élégantes, attendus par un brillant équipage. Venu dans un bon remise, voiture à quatre places, avec sa famille, Virginie, appuyée sur le bras de son père, suivait sa jeune sœur humblement et dans de plus simples atours, comme une ombre nécessaire aux harmonies de ce tableau. M. Guillaume s'était donné toutes les peines imaginables pour obtenir à l'église que Virginie fût mariée avant Augustine. Mais il eut la douleur de voir le haut et le bas clergé s'adresser en toutes circonstances à la plus élégante des mariées. Et il entendit quelques-uns de ses voisins approuver singulièrement le bon sens de mademoiselle Virginie, qui faisait, disait-il, le mariage le plus solide et restait fidèle au quartier. Tandis qu'ils lancèrent quelques brocards suggérés par l'envie sur Augustine, qui épousait un artiste, un noble. Et ils ajoutèrent avec une sorte d'effroi que, si les Guillaume avaient de l'ambition, la draperie était perdue. Un vieux marchand d'éventails ayant dit que ce mange-tout-là l'aurait bientôt mis sur la paille. Le père Guillaume s'applaudit in petto de sa prudence dans les conventions matrimoniales. Le soir, après un bal somptueux, suivi d'un de ces soupers plantureux dont le souvenir commence à se perdre dans la génération présente, M. et Mme Guillaume restèrent dans leur hôtel de la rue du Colombier où la noce avait eu lieu. M. et Mme Lebas retournèrent dans leur remise à la vieille maison de la rue Saint-Denis pour y diriger la noce, terme archaïque signifiant barque, vaisseau, du chat qui pelote. L'artiste, ivre de bonheur, prit entre ses bras sa chère Augustine, l'enleva vivement quand leur coupé arriva rue des Trois Frères et la porta dans un appartement que tous les arts avaient embelli. La fougue de passion qui possédait Théodore fit dévorer au jeune ménage près d'une année entière, sans que le moindre nuage vînt altérer l'azur du ciel sous lequel il vivait. Pour ces deux amants, l'existence n'eut rien de pesant. Théodore répandait sur chaque journée d'incroyables fioritures de plaisir. Il se plaisait à varier les emportements de la passion par la molle langueur de ses repos, où les âmes sont lancées si haut dans l'extase qu'elles semblent s'y oublier l'union corporelle. Thank you.